Mais heureusement qu'il y a monsieur l'abbé. On a de la chance, je vous dis, on a un curé qui est épatant. Il est gentil. Ce pauvre curé, il lui arrive que des avatars. Que des ennuis. C'est pas vieux l'autre dimanche. À la messe de 10h30. Une église bourrée comme ça. Je sais pas quoi il pensait au milieu de son prêche. Il a tellement dormi à toutes ces vieilles filles qui... Il s'embarque dans un truc au milieu de son prêche. Eh oui, mes bien chers frères, nous pouvons le dire, haut et fier, Jésus a fait des miracles et nous l'a prouvé. Pensez, mes bien chers frères, recueillez-vous quelques instants et pensez lorsque Jésus réussit à nourrir 7 personnes avec 10 000 pains et 10 000 poissons. Malheureusement, il y en avait un qui dormait pas. Ça lui a fait comme un coup. Il relève la tête, je le vois comme si c'était hier. Hé, hey, oh, oh, oh! Faut pas vous emballer, vous parlez d'un miracle, hein? Moi, j'en ferai tout autant. Là, j'ai un froid dans cette église. Alors là, j'ai admiré monsieur l'abbé. J'ai dit, quelle contenance va-t-il prendre? Il n'a pas répondu. Il a fait celui qui n'avait pas entendu. La grande classe. Il a enchaîné. Et le dimanche d'après... Et mes bien chers frères, en parlant de miracles, Jésus réussit à nourrir 10 000 personnes avec 7 pains et 7 poissons. Il repère le gars de l'autre fois, il fait ce coup-ci, vous, là, là. Vous en auriez fait autant, hein? Il fait oui. Avec le reste de la semaine dernière.